Maxi Sud. Oui, bon, c'est Jean-Louis Rivière, je suis le président des Cantous, ça fait 43 ans. Et l'association, ça va faire 48 ans. Donc dans 2 ans, on va faire les 50 ans. Voilà. Donc c'est le Cantous Les Peyralès, c'est une école de danse traditionnelle. Donc tous les mardis soirs, de septembre jusqu'à fin avril, tous les mardis soirs, il y a des cours de danse de 20h30 jusqu'à 22h30. Alors au départ, ce qui a créé l'association, c'était pour les enfants des écoles des villages. Ça a commencé comme ça, après les parents ils se sont mis, et petit à petit ça a gagné, les villages aux alentours. Et donc, bon, c'est vrai qu'on a été jusqu'à plus de 300 adhérents à l'association. Bon, maintenant, il y en a beaucoup moins, parce que les personnes qu'il y avait à l'époque, elles ont vieilli, ou alors elles ont malheureusement disparu. Donc, comme on touche des gens qui ont un certain âge, donc c'est vrai que tous les ans, en prenant un an de plus, malheureusement, il y en a qui disparaissent. Mais après, il y en a d'autres qui ont des problèmes de santé, d'autres... autre chose, donc ça fait que le renouvellement il n'est pas facile à faire, hein, parce que des jeunes qui arrivent, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, manifestation annuelle, il y a bon, le réveillon du 31 décembre, et après on fait un thé d'ensemble, voilà, disons au printemps, fin hiver, début printemps, voilà. Mais disons que l'accordéon, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent à jouer de l'accordéon, malheureusement, après il vient un moment, un âge où... soit ils sont pris par les études, soit ils sont pris par... Donc ils arrêtent souvent, c'est dommage parce que après arriver peut-être après un peu plus tard, mais soit certains le reprennent l'accordéon parce qu'ils ont un travail, donc ils sont établis, ils ont un peu plus... Mais c'est vrai que pendant les études c'est difficile des fois de jongler entre les études et puis les cours d'accordéon. Voilà, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. C'est bien parce que sur le tas, il y en a toujours quelqu'un qui se lance pour faire des animations. Donc ça fait la relève pour nous. Alors moi, la passion de l'accordéon, c'est depuis tout jeune, hein, depuis pas bébé, mais enfin tout à fait tout jeune. J'ai toujours aimé, c'est vrai que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui chantaient, qui jouaient. Il y en avait certains qui jouaient de l'accordéon aussi. Mais c'est vrai que ça m'a toujours plu. Donc quand j'ai pu mettre de l'argent de côté pour m'acheter mon premier accordéon, donc, j'ai acheté l'accordéon et puis après je m'y suis mis que tout seul, puisque autrefois des professeurs d'accordéon, il n'y en avait pas beaucoup, il fallait aller soit à Villefranche, soit à Rodez. Et les moyens de locomotion, quand on avait à cet âge-là, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc il fallait monter à Rivérousse pour aller prendre le car pour monter soit à Rodez ou soit descendre à Villefranche. Mais après les horaires, c'était tout à fait... c'était pas évident pour faire correspondre tout. Alors les parents, il fallait qu'ils nous amènent... parce que à part marcher à pied, on n'avait pas autre chose. Ah, moi, je fais tout aussi traditionnel que le musette, oui. Musette, variété. Voilà, il faut s'adapter en fonction des danseurs qui viennent dans les soirées.